France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. C'était pendant le temps d'un week-end. Partie à la découverte du château d'Angers, je découvrais la plus grande tapisserie médiévale conservée dans le monde, la tenture de l'Apocalypse commandée par Louis Ier d'Anjou au XIVe siècle. Grâce au travail de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire et le Centre des monuments nationaux, vous pouvez l'admirer jusqu'en février 2018. Peu de tapisseries monumentales ont été conservées du fait de leur extrême fragilité. Mais l'émotion ressentie à la vue de ces œuvres me donne envie de vous faire partager les émotions de la réalisation des œuvres de file, comme les tapis, par celles qui les font aujourd'hui. Bonjour. Quoi de mieux pour rencontrer les gens, de s'asseoir autour d'une table, de boire un café. On vous attrape des tasses. Histoire de femmes et de fil. Première partie, Tapissière de la République. Un documentaire de Franck Cuvelier, réalisé par Véronique Samouilov. Ce n'était pas gagné d'avance. Des familles harkis tombées du ciel algérien de l'après-guerre. Les hommes supposés forestiers, les femmes vaguement tapissières. Une ville à l'industrie textile sinistrée. Des baraquements en fibrociment pour ateliers, et voilà ces femmes qui tissent des tapis à la technique dite du point noué, un point turc. Le même point que l'atelier de la Manufacture Nationale de Paris. Ce n'était pas gagné d'avance, mais un jour, le petit atelier communal, mal chauffé l'hiver et brûlant l'été, a croisé la route de l'atelier national. Les tapissières de Lodève ont noué leur destin à celui de la France. Celle qui leur succède aujourd'hui, fille de Harki ou pas, porte cette histoire. Comme un fardeau ou comme une fierté, ça dépend des jours. Tout à l'heure, ce sera la tombée d'ouvrage, c'est ça ? Tombée du métier, ben oui, tombée du métier. Comment ça va se passer concrètement ? C'est en fait on fait un carton, on le réalise, on réalise le tapis et ça dure des années. Donc on est hors du temps. Ça peut durer 5 ans, 6 ans. Je crois que pour celui-là, ils ont mis 7 ans de tissage. Et en fait, elles l'ont tissé et comme il s'enroule, elles ne l'ont jamais vu entièrement. Et en fait, la tombée du métier, c'est la finale du tapis. Et quand elle se réalise, cette tombée du métier, ben, y a toute l'équipe, il y a des invités, l'administration. L'équipe coupe les chaînes avec l'administration et parfois, c'est les fils qui maintiennent le tapis. En fait, c'est une naissance de tapis. Elles découvrent leur tapis réalisé, l'ouvrage fini, mais en même temps que tout le monde. Parce qu'en fait, nous, on voit quoi ? On voit à peine la hauteur du métier. La hauteur du métier. Tout est une émotion, en fait, même pour ceux qui ne le font pas. Parce que nous, en fait, on est habitués à rentrer tous les jours et de le voir. Du coup, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, eh ben, quand on va rentrer à l'atelier, ça va faire un vide parce qu'on ne verra plus ce tapis. Et du coup, c'est quand même c'est une émotion pour nous aussi. Ben oui, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un environnement de couleurs, de dessins, d'art, quoi. Donc c'est un vrai bonheur. Et ce tapis qui est extrêmement coloré, moi je trouve qu'il en jette, ce tapis. Vous allez de toute façon vous rendre compte, hein, quand il va être coupé, c'est vrai que ça fait vraiment le vide, parce que vous allez voir tous les fils suspendre, les fils de chaîne, sans rien, sans... Donc c'est vrai que ça fait quelque chose. Hein. Combien de temps hein Mbarka a dit... 7 ans, ouais. En fait, on a mis... mais en réalité, ça fait 10 ans qu'il est sur métier. Bon, toute la préparation, mais après, on a 7 ans, en enlevant les congés maternité, les maladies, etc. C'est 7 ans de travail effectif. Quand j'ai travaillé sur cette pièce, cette pièce a connu une grossesse. Voilà. Donc pour faire un nœud de savonnerie, on passe la broche peut comparer à une navette. On va chercher la lisse qui est en hauteur et qui va, c'est une petite boucle de coton. Et donc quand on tire sur cette boucle de coton, ça fait venir le fil arrière devant, ce qui crée un croisement. Ça fait un peu comme un nœud de cravate, il est serré. Et c'est ça le nœud de savonnerie. C'est tout simple en fait. C'est tout simple. C'est deux boucles. Et une fois qu'on a fait ça, donc, on utilise des ciseaux qui sont courbes. Et ensuite, on coupe. Ça crée un velours. Ce qui donnera l'épaisseur du tapis. On repasse plusieurs fois, on ajuste. Comment vous êtes arrivée ici, Anne, vous ? J'ai toujours su, vraiment petite, que je voulais faire un métier manuel et artistique. Donc, après ma troisième, j'ai passé des concours dans différentes écoles et les Gobelins. Donc, j'avais 16 ans. Et j'ai vu des gens passionnés, amoureux de leur métier, quoi. Puis voilà, j'ai commencé à mes études au Gobelin. Et là, enfin, j'y arrivais, quoi. C'était pas comme mes études scolaires. Et enfin, j'avais trouvé ma voie. Et enfin, ça me plaisait. Et enfin, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Et depuis 10 ans, je suis à l'ODEV, mais... Pendant les 20 premières années, j'étais à Paris. Et je sais que je ne me suis pas trompée de métier. Je prends toujours plaisir à tisser, je prends toujours plaisir à toucher la laine. Je vous vois, vous êtes sur des petits tabourets, pliés devant votre métier. C'est une image d'ouvrière, d'art, une image de la femme un peu passéiste, on se dit mais qu'est-ce qu'elles font là ? Enfin, il y a un côté voilà vieux métier, le nez sur votre tapis de laine. La première fois que j'ai visité les Gobelins quand j'avais donc 16 ans, c'est ce que je me suis dit, hein, mais je vais jamais pouvoir rester derrière mon métier à tisser sans bouger là. La tapisserie c'est pas un objet très moderne en soi quoi, c'est limite ringard quoi. Hein. Ni à poussière, enfin. C'est pas un objet que j'aime particulièrement. C'est vieillot, c'est kitsch. Hein. Et j'aime tellement le faire. Hein. Faire le nœud ou faire les boucles, le geste, quoi. C'est des gestes, en fait. Même si ça peut paraître un métier vieillot, moi, je me sens pas du tout comme ça. Je me sens dans la vie, je me sens extrêmement moderne et féministe, quoi. Alors oui, il y a l'ouvrage, mais moi j'aime ce mot ouvrage, ouvrière, j'adore ce mot ouvrière, j'aime bien ce milieu-là, moi. Quand vous êtes arrivé ici, la savonnerie de l'ODEV, c'est un atelier qui a une histoire singulière, c'est un atelier qui a été créé par une communauté de femmes prise avec l'histoire de France et de l'Algérie, et c'est pas votre histoire, mais... Comment vous vivez avec ça ? Je savais ce que c'était qu'un harki, qu'on avait ouvert cette manufacture pour ces femmes qui savaient travailler, en fait. Donc les hommes travaillaient au bois et les femmes, on les a occupées à travailler sur les tapis. Elle partage un peu de cette histoire avec vous ? Non. Elle parle ? Elle se confie peu, quoi. Je connais plus par d'autres. Tiens, elle a vécu ça, elle a vécu ça. Puis elles sont très modernes aussi, enfin, elles se sentent pas exister pour ça, quoi. C'est des femmes qui travaillent comme tout le monde. En fait, la différence, c'est plutôt le regard de l'autre qui la crée. Mais elles l'ont pas forcément, quoi. Le service de reclassement des Français musulmans a été amené à créer, dans le cadre de sa mission, un atelier de fabrication de tapis à l'ODEV pour employer les artisanes françaises musulmanes rapatriées. et leur assurer un complément de revenus. Après une période de formation de près d'un an, elle s'avère capable, au dire des techniciens, d'exécuter des ouvrages de bonne qualité et de présentation agréable. J'ai l'intention cette année de faire exécuter aux ouvrières des tapis qui pourraient être utilisés pour l'ameublement de mes services. Je serais désireux à cet effet que vous acceptiez de me procurer, à leur intention, des dessins qui permettraient de faire réaliser par ce personnel qualifié des œuvres d'une certaine tenue. Lettre de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, à André Malraux, ministre des Affaires culturelles. 1964. Quand on est arrivé ce matin, c'était des bruits de ciseaux, des petits bruits de tassement. Et là, c'est un brouhaha un peu exceptionnel, c'est parce que c'est la tombée d'ouvrage. Tout le monde monte l'escalier, arrive. Il y a des anciens chefs d'atelier, des anciennes lissières, des visiteurs. Il y a un peu tout le gratin, on va dire. Il y a la responsable de l'office du tourisme. Et puis surtout les gens de Paris qui sont montés. Ils ont pris la voiture, le train. Ils se saluent. Tout le monde se rassemble peu à peu près du métier ou le tapis. Voulez-vous qu'on commence? Mais bien sûr. Oui. Alors je vais faire venir un peu tout le monde. On va rester sur le côté là et puis après on ira devant pour faire la coupe. Hein, d'accord, avec Marie-Hélène et Catherine. Alors, mesdames, messieurs, on va procéder à la coupe, à la tombée de métier du tapis Louis XIV. Là, je vous demande de vous approcher. Je vous remercie toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Je vais donner la parole à Madame Catherine Ruggieri, qui est la directrice du Mobilier National et des Manufactures Nationales de Tapis des Gobelins, de la Savonnerie de Beauvais et de l'Audève, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. La manufacture de l'Audève a une histoire très singulière dans le paysage des manufactures et plus largement des établissements royaux, puis maintenant, bien sûr, républicains. Alors cette histoire, vous la connaissez mieux que moi, hein. C'est une histoire qui démarre au lendemain de la guerre d'Algérie et qui s'est construite patiemment grâce principalement aux épouses de harkis qui se sont retrouvées dans la région. Pour dire les choses simplement, moi je suis vraiment contente d'être avec vous pour cette raison, c'est la raison la plus marquante pour moi, c'est cette communauté humaine qui s'est créée ici, qui s'est enrichie hein, du savoir de cet autre côté de la Méditerranée, la Kabylie, tous les pays de l'Algérois qui sont des grandes terres de tissage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'hybridation dans le travail même. C'est-à-dire que pour ces dames, dont je pense que certains ici sont les enfants, ou peut-être même, qui sait, les petits-enfants, elles ont... Cet atelier a été monté sous l'égide du ministère de l'Intérieur, section rapatriée. ORTF, 1972. Il a été créé pour amener donner un revenu à ces gens qui étaient chargés de famille. Je dois le dire, malheureusement méconnu, connu ici, mais insuffisamment connu. Cet atelier comprend 50 personnes, pour la plupart toutes des musulmanes, sauf l'encadrement qui est européen, le chef d'atelier qui lui est un spécialiste qui a déjà travaillé en Algérie sur les tapis et qui dirige l'atelier proprement dit. Contribué à faire naître dans la grande tradition française du tapis de Savonnerie. Donc ça c'était le premier point, donc merci à toutes et à tous. Enfin une dernière chose, c'est un endroit génial. Je dis comme je pense, c'est magnifique, pas seulement parce qu'il fait beau, pas seulement parce qu'il y a de la lumière pour pouvoir tisser, mais parce que ça a une âme, ça a du caractère et que ça existe vigoureusement. Voilà, merci à tous et bravo surtout. Quelle histoire vous a fait arriver dans cet atelier Mbarka? Déjà, ma mère, elle travaillait ici. Mais ça a été un hasard parce que je ne me suis jamais intéressée à ce qu'elle faisait. Donc je savais qu'elle faisait du tapis et tout ça, mais j'ai jamais rêvé de faire du tapis, j'ai jamais rêvé. Et un beau jour, en fait, on leur a dit qu'on pouvait s'inscrire, les enfants d'Arki pour faire ce métier-là. Mais en fait, tout se faisait sur Paris. Et bien, j'ai été reçue. Et du coup, et bien, j'ai fait 4 ans de formation, on a passé le concours et je l'ai réussi. Paris m'a plu et je suis restée 23 ans à Paris. Et ça fait depuis 2010 que je suis ici. Quand votre maman travaillait ici, vous ne vouliez pas entendre parler de tapis? Non, c'est pas ça. C'est que ma mère, elle a travaillé à l'atelier de l'Odève. Elle est venue, elle a commencé en 68, je crois. Pour nous, c'était normal. Parce que de toute façon, l'atelier de l'Odève, il ne le valorisait pas à l'époque. Donc, c'était pas un atelier comme à Paris. C'était pas, voilà, pour nous, c'était normal. C'était un travail, c'est tout. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une manufacture à Paris. Je ne savais pas qu'il y avait une histoire à travers les tapis. Je l'ai su plus tard. Quand nos mamans elles travaillaient là, pour nous, c'était voilà, pour vivre. Mais déjà, à l'époque, elles faisaient des Louis XIV. Déjà, au départ, ces femmes-là, elles travaillaient, elles faisaient des magnifiques tapis qui allaient à Versailles et qui allaient partout. Bon, je pense qu'à l'Odève, il ne faudrait pas oublier... Il faudrait rendre hommage aux femmes d'Arki et ceux qui ont tenu cet atelier. Si on est là, c'est grâce à elles. Moi, je crois que voilà. Et des fois, c'est un peu oublié, je trouve. Je sais que j'ai appris beaucoup de choses ici en travaillant aussi, qu'on m'a raconté et tout. Parce que moi, ma mère, franchement, c'était pas quelqu'un qui... je sais pas, moi, j'ai pas eu ces discussions-là avec elle. Puis c'est, je pense que c'était aussi l'époque. Voilà, c'était pas évident pour tout le monde. Donc, je sais, moi, ma mère, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup de son boulot chez nous, parce qu'on était nombreux. Voilà, on était, voilà, elle avait pas que ça à faire non plus. Elle travaillait assez pour pouvoir se détendre chez elle. Elle travaillait pour vivre, mais elle vivait pas pour son métier. Quand vous dites que il faudrait rendre davantage hommage aux pionnières. Qu'est-ce que vous avez en tête? C'est pas moi qui devrais avoir des choses en tête. C'est plutôt aux gens qui ont plus de responsabilités que moi. Moi, je demande rien. Hein. C'est vrai que moi, hein, quand je suis venue à l'Odève, franchement, je supportais plus. Ça me faisait bizarre parce que moi je me disais j'ai fait des études, j'ai passé mon concours et tout, et puis ça m'énerve de qu'on parle de, parce que voilà, on est très bien intégrés, moi je suis contente, donc je vois pas pourquoi on va toujours me reparler de ce passé. C'est leur passé, mais c'est pas le mien, toujours les Arkis, c'est vrai, c'est les gens qui se sont occupés d'eux, qui les ont pas valorisés, je trouve, même si elles savaient que leur tapis elles allaient à Versailles et tout, mais que c'est quand même important, on travaille pour l'État, pour le patrimoine français, quand même, c'est... Elle ne s'en rendait pas compte. Que nous, voilà, nous, on fait ce métier. Moi, je sais ce que vaut mon métier. Je sais que quand... à chaque fois que j'étais invitée et tout, les gens, ils sont impressionnés parce que je fais, parce que, voilà... eux, ils n'ont pas eu... ils n'ont pas eu ça. Ils travaillaient, ils étaient payés. Point. Alors, Mbarka, dans la phase de préparation, quand vous faites les essais techniques, vous essayez quoi précisément? Les essais techniques, c'est les essais d'après le carton. Charles a fait, en fait, elle a utilisé de l'encre et elle a utilisé aussi le fusain. Mais après, de le faire en échelle plus grande, c'est pas évident. C'est un tapis contemporain, abstrait. Et elle a voulu, Charles Jaffé, utiliser de la peinture et des encres pour donner des mouvements assez rapides. Du coup, on a des effets granuleux, qui est le fusain, et des effets assez plats, avec des bulles parfois difformes, et parfois avec des effets de transparence, parce que l'encre en fait a coulé, et ça c'est des accidents, c'est pas voulu. Et nous, on doit ces accidents les réaliser. Voilà, c'est pas parce que l'abstrait, c'est des accidents du mouvement et tout ça. Et nous, on doit les réaliser. Et on est un peu artiste aussi parce que quand même, il y a une partie de nous. La danse du pinceau. Pierre Leschinski, 5m30 sur 2m73. Forme. Geneviève Haas, 3m8 sur 2m10. Les moutons. François-Xavier Lalanne, 3m sur 2m25. Hommage à l'utopie de Ledoux. Nathalie Crasset, diamètre 4m06. Los Angeles. Pierre Paulin, 4m36 sur 2m28. Néo Géo Claude Kloski, 3m08 sur 5m03. Algues et coraux, Émile Bouteille, 3m30 sur 2m05. Nous allons donner la parole à Marie-Hélène Bersani avec Odile qui va. Terre à terre, je vais vous donner quelques indications techniques. Déjà pour vous dire que, bon, vous l'avez reconnu, c'est un tapis de style Louis XIV. C'est un dessin, une recomposition inspirée d'un tapis de Charles Brun pour la galerie d'Apollon. On a réfléchi à comment donner une modernité avec le regard d'aujourd'hui. Donc Odile a proposé de redessiner et de faire une nouvelle proposition pour la bordure. Voilà. Pour que ça fasse moins royal, hein, on n'est plus en royauté. Alors, il y a plusieurs lycéens qui ont travaillé avec Odile, qui était chef de projet donc du début jusqu'à la fin. Anne Gauthier, qui a travaillé. Marie-Hélène Blanchard, qui s'est cachée, tout là-bas. Dominique Mont, qui a travaillé aussi. Benoît Jorba et Benja Bensot, qui s'est cachée aussi. Non, elle n'est pas là. Alors, ça a demandé 1783 jours de tissage pour réaliser cette pièce qui fait 3,30 m sur 3,60 m. Alors on se dit, bon, ça fait beaucoup de jours, mais il faut quand même savoir que pour 10 cm, vous avez 82 fils de chaîne et que donc il faut faire 16 points. Là, il y a 16 points noués au centimètre carré. Donc faites le calcul dans votre tête. Vous imaginez le nombre de points qu'il a fallu faire pour réaliser tout ce tapis. C'est pour ça que ça a demandé ce temps-là. 69 couleurs plus le noir. Voilà. Et donc, bien sûr, vous avez tous hâte. Donc, Odile va commencer à couper hein, les fils de chaîne. Et comme ça, on va pouvoir l'admirer dans sa globalité. Voilà. Alors, nous allons procéder à la coupe de la chaîne. Alors, je voudrais juste... On va le couper, on va l'enrouler sur le banc qui est juste derrière, et après je demanderai un peu de place parce qu'on va le disposer sur le hall d'entrée. On passe de l'autre côté. Tous ceux qui ont participé, oui, plus Moïse qui aide toujours, ah, oui, la magasinière elle n'est pas là, et Catherine qui... Voilà. Vous allez participer à la coupe. Qui va couper, hein, voilà, voilà, n'est-ce pas? Et toi aussi Marie-Hélène. Hein. Oui. Des hauts métiers à tisser verticaux. On va faire tomber un ouvrage, c'est-à-dire un tapis de 5 mètres sur 4 qui est pour l'instant enroulé et que personne n'a vu. Et le moment qu'on attend, c'est ce découpage du tapis et on va le mettre à plat pour la première fois. Et ça, c'est la vraie façon de le voir et de le voir prendre tous les reflets, toutes les moirures possibles. Et ça, on ne le voit pas quand il est vertical, on le voit quand il est à l'horizontale et qu'on est au-dessus de lui et qu'on le domine. Toutes les lissières sont venues l'une après l'autre avec la paire de ciseaux. Ils ont découpé... brin après brin. Ensuite, il a fallu aller le tapis et l'enrouler sur lui-même. Alors, on l'a vu un peu, mais à peine. Il est encore un peu mystérieux. Une fois qu'il est roulé, bah, il faut découper les autres brins, voilà, qui tenaient l'autre extrémité du tapis. C'est le même rituel qui commence à nouveau. Chacun se passe le ciseau et coupe une poignée de dizaines de brins, et puis voilà. C'est comme un rite. Pour moi, travailler sur ce tapis a été un enchantement quotidien au fur et à mesure de ces années. Et quelquefois, je dirais même que c'est le travail qui m'a porté. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Le travail s'est échelonné sur, disons, au moins 7 ou 8 années. Hein. Donc c'est quand même un, portion de vie importante, avec l'accompagnement superbe de mes collègues, que je remercie profondément du fond du cœur, avec qui j'ai partagé d'excellents moments. Et surtout, il y a eu une implication vraiment étonnante. Pour moi, c'est un tapis jardin, presque un tapis de prière, je dirais, parce que pour moi, les premiers tapis d'origine étaient aussi des tapis de prière, des jardins intérieurs. Voilà, ça, c'était méditatif comme travail. Et puis, il y a eu un sentiment d'accomplissement. Pour moi, c'était le grand art de la savonnerie de l'époque. Puis, très touchée aussi d'être à la suite de cette grande tradition, quoi, je veux dire, et de pouvoir transmettre ainsi. Donc, moi, j'ai tissé avec mon professeur, M. Brion, qui, lui, était à l'origine du carton. Et puis Monsieur Galis aussi. Donc, et nous sommes les deux élèves de ces personnes-là. Donc, vous voyez, 40 ans après, c'est assez émouvant. Et puis bon, je dirais que ça m'a semblé parfois être une éternité. On dit que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais bon, voilà, pour moi, c'est un beau jour. On va enfin pouvoir le voir dans sa vraie dimension sur le sol. Allez, on fait la dernière. Alors, allez. Bravo Marc, prêt, parti. Hop là. Et même avec la main gauche. Allez, vas-y Odile. Hop là. Voilà. Allez, tire. C'est lourd, hein, c'est serré. 10 km carrés. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est là, c'est bon, par là. C'est bon. Allez. Bon. C'est bon, attention parce que ça va. Le tapis était porté à bras d'homme et puis ils l'ont posé dans la partie la plus vaste de l'atelier. Ça a été très vite, les gens s'approchent, toutes les lissières se sont arrêtées, plus personne ne travaille. Et puis, d'un geste, le tapis s'est déroulé de lui-même, voilà. Et d'un seul coup, c'est l'image qui éclate. Avec Anne Gauthier, Embarka Noureddine, Odile Berthier, lissière. Catherine Ruggieri, directrice du Mobilier National. Marie-Hélène Bersani, directrice de la production des manufactures. Jean-Marc Sauvier, responsable de la manufacture de l'ODEV. Maintenant, on enlève ses chaussures. Alors voilà, la suite du rite. On enlève ses chaussures et on a le droit, à condition d'enlever ses chaussures, de marcher sur le tapis. Les gens regardent leurs pieds, regardent au sol. Odile, Anne ont marché. C'est pas piétiner un tapis, c'est apprécier. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Delphine Baudet. Coordination, Christine Bernard. Histoire de fils et de femmes. Tapissière de la République, première partie, un documentaire de Franck Cuvelier réalisé par Véronique Samouilov. À suivre, les dentelières de la mémoire. Oui, c'est la fin du premier épisode. La suite du documentaire Histoire de femmes, histoire de fils, évidemment c'est demain, dimanche, à 13h30. Mais pour l'instant, nous allons tous au cinéma avec Antoine Guillot.